mic, yeah. Mr. Ryan Belzetti. Il est 9h du match, j'ai fait la fête toute la nuit. J'ai dû me coucher sur le coudé, 6h30. J'étais avec des amis, on s'est mis une race en musique. Quand ma mère m'appelle Emily. Tu viens toujours manger ce midi? Oh dear, j'avais oublié. Par les épliers, j'aurais jamais dû roupiller. J'ai déjà gaspillé toutes mes temps, à pas d'éviter d'y aller. J'pourrais toujours lui dire que j'ai une gueule. Oh non, je vais pas être sceptif. Quand elle va me parler de son salon d'esthétiste, elle va encore me montrer des photos de sa jeune esthétique. Alors je vais passer l'après-midi avec Ryan Belzetti. La lady est dure et je réfléchis. Il faut m'en sortant d'aucun cas fléchi. Et là je suis contraint de lui dire un truc que je lui ai jamais dit. J'peux pas, j'ai piscine. J'peux pas, j'ai piscine. Je suis pollué tranquille, normal avec mes potes. Quand je reçois l'appel banal d'un bureau trot. Hé, Ryan, t'es dispo pour une télé? Je lui aurais bien dit de la faire le 32 février, mais je suis gentil, tu me connais. Dès que je suis actionné, je suis le premier à déconner. Tu peux même pas soupçonner le côté comique du cumé. Je suis rentré sans sonner, certains se sont sentis même assommés. Ouais, de bavardage, bon, je suis ready, je passe à l'abordage. C'est pas parce que ton émission est en plein sabotage. Tu peux m'appeler deux heures avant, hashtag simple otage. Oh, merde, j'hallucine. Mon sens de texte bidon devant moi se dessine. J'ai prévu ce qu'un dribble de Messi, je vais te sortir. Je peux pas, j'ai piscine. Je peux pas, j'ai piscine. À l'appel, faut-il que je te rappelle que je te dirai que je peux pas, j'ai piscine. Ce n'est même pas la peine que tu m'appelles, j'ai des prétextes à l'appel, faut-il que je te rappelle que je te dirai que je peux pas, j'ai piscine. Ce n'est même pas la peine que tu m'appelles, j'ai des prétextes à l'appel, faut-il que je te rappelle que je te dirai que je peux pas, j'ai piscine. Ce n'est même pas la peine que tu m'appelles, j'ai des prétextes à l'appel, faut-il que je te rappelle que je te dirai que je peux pas, j'ai piscine. Je peux être figurant sur ton film, je peux pas, j'ai piscine. Pour venir chanter au Zénith, je peux pas, j'ai piscine. Tu m'emmènerais à un casting, je peux pas, j'ai piscine. Pour aller faire un featuring, je peux pas, j'ai piscine. Comme c'est facile, le regard. Enfin facile, t'emballe pas quand même. Je te propose de venir samedi soir à la maison, on répète si tu veux. Samedi soir, qu'est-ce que je fais? Ah bah non, je peux pas, j'ai piscine. Por favor! Merci, hombre, gracias, hombre. Oh non! Sorti, l'esprit. Attends. Et là, ça tourne, hein, juste pour dire. Il est grave premier degré, là. Ça fongue. T'es un bâtard. Il y a vraiment un zénith et tout. Il est... Reprends! Si je viens de parler. Ben ouais. Excuse-moi. J'avais même pas capté qu'elle était en route. Vas-y. Je crois que tu es mignon. Ah ouais? Je peux être figurant sur moi. Ah ouais. Et alors je devais passer l'après-midi avec Ryan Belzetti. Ça c'est dit et direct, j'ai... Merde! Ah. On reparle sur ce ton, Toy. Oh. Allô? Celui qui se loupe, je le défonce. Regarde à toi. Attention, Lucas. Qu'est-ce qu'il faut que tu vas voir? Oh, la caméra, ça tourne, hein.